Cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Wa akhadna fi d-dars al-sabiq qawla al-Nazim rahimahullah isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Dans le dernier cours, on a étudié ensemble ce vers de poésie de Cheikh l'Islam rahmatullah alayhi. Et stafadna annahu la yajouz tazkiyatun nafs ay an yuzakki al-shakhs nafsah. Ma dalil ala hadha? Tafaddal. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Donc tazkiyatun nafs, c'est-à-dire se faire des éloges à soi-même, لا يجوز كما في هذا الدليل هذه الآية. كذلك on a rajouté ماذا؟ أن dans un cas c'est permis. تفضل. Si une مصلحة. نعم si une مصلحة c'est permis. ما الدليل على هذا؟ نعم صح عن عثمان رضي الله عنه أنه ماذا أحسنت فله الجنة. فالعلماء ils ont démontré أن سير مصلحة أو دفع شر كما في قصة عثمان pour repousser un mal, ففي هذا الحال يجوز. عثمان il leur a démontré certains mérites que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait montré à Uthman radiyallahu anhu, il avait fait telle chose et telle chose. Enfin, Uthman il a cité ces choses pour repousser un mal. Kadhalik pour une maslaha, on avait cité Kalam ibn Mas'ud radiyallahu anhu, walladhi la ilaha ghayruh ma min kitabillahi surah illa wa ana a'lam haythu nazalat ila akhir. Ça c'est une maslaha azima pour que les gens ils prennent hada al-ilm de lui. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه سفر اسمع كلام محقق في قوله أي celui qui lui a posé cette question يا سائل عن مذهبي وعقيدتي, شيخ الإسلام il lui répond اسمع كلام محقق في قوله. C'est un كلام d'un محقق, d'un imam. أي il sait de quoi il parle رحمة الله عليه, il est sûr. Et chaque vers bien sûr il est basé sur des preuves du kitab et de la sunna. هذا الذي أخذنا dans le dernier dors. من حفظ فليقرأ. Celui qui a appris par cœur يتفضل. تفضل أخي. حب الصحابة تبخلون شبا تفضل. حب الصحابة كلهم لمن ذهبوا ومودة قربى بها أتوسلوا ولكلهم قدرون على أفضاء وفضائلوا لكنما الصديق منهم أفضل. أحسن. قال الإمام أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسلوا. Dans ce vers de poésie et le suivant كذلك que les frères ils ont récité, ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. Dans ces deux vers, Cheikh l'Islam رحمه الله démontre أن parmi les fondements de عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة et كذلك حب أهل البيت. Et il démontre dans le deuxième vers qu'on détaillera كذلك إنشاء الله تعالى أن أفضل هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم c'est أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال الشيخ محمد حفظه الله تعالى يشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا البيت. البيت en arabe c'est un vers de poésie. بيت شعري c'est un vers de poésie. بهذا البيت إلى الرد على الروافض والنواصب. deux groupes égarés. Al-Rafida, wa yuqal kadhalika al-Rawafid wa al-Nawasib. Ces deux groupes, ils se sont égarés fi hadhihi al-mas'ala wa fi ghayriha. Dans d'autres sujets kadhalik, ils ont des égarements. Et notre sujet l'un, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum, ces deux groupes, ils se sont égarés. Kadhalik, quand ils citent les compagnons, kadhalik, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Farrawafid yat'anoun, et ça fait partie de leur din, iyadam billah, at'an, fi sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Illa nafaran, qalilan minhum, sauf certains. Amma la plupart des compagnons indahum, iyadam billah, c'est des kafara, rtaddu pour eux. An-nawasib, ils ont voulu répondre à l'égarement des rawafid, et ils ont insulté la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiyallahu anhu, ses enfants et la akhira. Donc tu as deux groupes, deux extrêmes. Al-Rawafid, par rapport à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font du rouleau, ils exagèrent. Et fil haqiqa, c'est des kadhaboun. Même la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne respectent pas. Lakin, ils font apparaître hada. Annahum yuhibbouna Ali, yuhibbouna Aliyan radiyallahu anhu, wa Fatima. Et leur descendance. Al-Nawasib, on a dit l'aks. Yat'anouna fi ahl al-bayt. Al-Rawafid, yat'anouna fi as-sahaba. Ahl al-sunnati wal-jama'a, les gens de la sunna, qui suivent les textes, ils aiment les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon, as-sahabi, man laqiya al-nabiya, sallallahu alayhi wa sallam, mu'minan, wa mata ala dhalik. C'est ça un sahabi. C'est une personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant mu'min et il est mort ala l'iman. Fa'haoula nahnu nuhibbuhum wa nathkuruhum bil jamil. On n'a pas le droit de citer des mauvaises choses sur eux. Mais babi aoula de les insulter, iyadam billah. Abadan. Li'anna mahabbatuhum, ça fait partie du din. Li'anna haoula sahaba, c'est eux qui ont propagé la da'wa de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فلا يطعن في الصحابة إلا منافق زنديق زائغ. Ceux qui insultent, qui se moquent, qui rabaissent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'aient aucun doute annahum c'est des munafiqun zanadiqa mujrimun. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المؤمن. الآية هنا c'est العلامة. Et comment reconnaître un mu'min, les caractéristiques du mu'min? Ayatul mu'min, hubbul ansar. Ayatul munafiq, bordul ansar. Donc parmi les caractéristiques du mu'min, annahu il aime l'ansar. L'ansar, c'est les habitants de Médine, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont accueilli un nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il a fait le hijra. Donc parmi les caractéristiques du mu'min, annahu il aime haoula. Pourquoi? Ils ont accueilli le nabi sallallahu alayhi wa sallam, nasaruh. Ils l'ont secouru, bi'idnillahi azza wa jal. Ils ont propagé sa da'wa. Ils l'ont aimé. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kadhalik, il les aimait. Donc le mu'min, il les aime. Celui qui les déteste, i'lam, sans avoir aucun doute, annahu sa munafiq an zindiq. Kama huwa hal al-rafidah. Al-rawafid. Ce qu'ils appellent, ce qu'ils traduisent par les chiites, annahum yubghidouna al-ansar wal-muhajirin, kadhalik. Et Al-Sharih, Hafidahullah, il va citer des preuves fi hala. Qala, fa inna kullan minhuma qad tanaqqasa as-sahaba. Li'anna an-nawasib yat'anuna fi ahli al-bayt. Et kathir min haoula. Ay min ahli al-bayt, c'est des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiyallahu anhu, c'est un compagnon du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et autres, ka Ja'far, ka Al-Abbas, tout cela, ils font partie de Hamza radiyallahu anhu. Tout cela, c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est des compagnons kadhalik. Ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en étant mu'min, et ils sont morts à l'iman. Amma, ceux qui ne sont pas mu'min, fa'haoula, il n'y a aucun doute. Un kafir, c'est un kafir. Lakin nahnu l'ana la maqsoud huna, c'est le mu'minin. Qala fa'inna kullan minhuma qad tanaqqasa as-sahaba wa sabbahum wa shatamahum. فالروافض, الروافض, ça vient de الرفض. الرفض en arabe, c'est rejeter. Ils les ont appelés Rawafid, les Annahum, ils ont rejeté Rafadou, Khilafata Abi Bakr as-Siddiq wa Umar. C'est pour ça qu'ils les ont appelés Rawafid. Annahum, ils insultaient et ils ne reconnaissaient pas les mérites et Khalifat al-Shaykhayn. أفضل هذه الأمة après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam كما سيأتي أبو بكر رضي الله عنه et après lui عمر. فالروافد يبغضون كثيرا من الصحابة la plupart sauf certains كعلي والمقداد وسلمان. Ils en ont cité quelques-uns et حتى هؤلاء, ils auraient aimé هؤلاء, ils auraient aimé leurs compagnons. Et ceux qui étaient avec eux au même moment. Ceux qui étaient avec Ali. Ali, il aimait Abu Bakr. Il aimait Omar. Et en fait, hâta mahabbatu al-rawafid li haoula al-sahaba. En fait, c'est du kadib. Ta'lamoun anna leur din, il est fondé sur al-taqiyya. Ils font apparaître des choses, c'est des kadaboun. Falihada, ba'duhum yata'anouna fi Ali. Ba'duhum yikritique Ali. Fala ta'tar bi al-kadabin, bi al-zanadiqa. Leur din, din al-rawafid, il est fondé sur le kadib. Il est fondé sur le kadib ou le khida'a. Fa ha'oula, ils ne sont pas haoul al-din. Ils ne sont pas haoul Ali, wala ahl al-bay. Tout ça, c'est du kadib. Min kadibihim. Et ils ont un rouleau ajib. Iyadam billah. Qala, wa minhum. Ay, parmi les compagnons que ha'oula, ils détestent, ay al-rawafid, Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman. أي أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويزعمون أنهم يحبون أهل البيت تأمل قوله يزعمون أي يبخطون أي في الحقيقة يزغي فغيمو إمي أهل البيت فيزغي إمي كذلك لكمبانيون جو بروفيت صلى الله عليه وسلم والنواصب يبغضون أهل البيت وينصبون لهم العداء. C'est pour ça qu'ils les ont appelés نواصب. Ils ont de l'animosité, de la haine envers la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu as deux groupes égarés, deux extrêmes. Al-Rawafid, ils détestent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou Al-Nawasib, ils détestent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa amma aqidatu ahli sunnati wal jama'a fi sahaba. Donc après avoir cité un bref aperçu sur Al-Rawafid ou Al-Nawasib, aïe les groupes égarés dans notre sujet, avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils citent al-an la croyance de Ahl al-Haq. Aqidatu Ahl al-Sunnati wal-Jama'a fi hadha al-bab. Wa amma aqidatu Ahl al-Sunnati wal-Jama'a fi al-Sahabati fahiyya ma qarrarahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi al-Wasitiyya. فقال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السني المؤمن المسلم إلى أكن غانكور أنفر الصحابة أبدا أبدا. الله سبحانه وتعالى اختارهم إليزا شوازي pour accompagner رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et pourquoi l'insan, il les détesterait ou il les citerait en mal? Limada, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ha'oula, c'est min dhurwat awliya illahi azza wa jal. Ils font partie des alliés d'Allah azza wa jal. Bel parmi les plus aimés après l'anbiya ou l'rusul. Et Allah subhanahu wa ta'ala fil hadith al-Qudsi yaqul man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb. Celui qui attaque, qui insulte, qui déteste les alliés d'Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui déclare la guerre. Ça montre qu'il n'y a qu'un cœur malade, iyadam billah, qui peut avoir de l'animosité envers ha'oula. Amma al-mu'min, même tu trouves c'est un jahl, même tu trouves il ne connaît pas beaucoup son din, même il a des faiblesses, il aime al-sahaba, il aime ummahat al-mu'mini, il aime ahl al-bayt. C'est une fitra. Et il aime ses frères, kadalik. Même un mu'min qui a son époque, qui a des faiblesses, il l'aime fillahi azza wa jal. Que dire de ha'oula? Qala, wa min usul ahli sunnati wal jama'a salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kama wasafahumullahu fi qawlihi ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه من صفات المؤمنين أنهم يزام leur frère مؤمن. Et plus ce مؤمن يسوي القرآن والسنة, plus ce مؤمن il fait des efforts في العلم, plus ce مؤمن c'est un صالح, plus il l'aime. فلهذا l'amour du croyant envers les sahaba, c'est un amour, il n'y a aucun doute. Celui qui n'a pas cet amour, et ça n'arrive pas au mu'min, annahu il déteste tous les compagnons, c'est un kafir billahi azza wa jalla, celui qui déteste les sahaba. لماذا لأن الصحابة من طعن فيهم أو يطعن فيهم يطعن في الدين. Celui qui critique ou qui insulte les sahaba, في الحقيقة il critique le dîn. Pourquoi? لأن الصحابة, les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est eux qui ont propagé هذا الدين. فمثلا رافد الآن شيعي زنديق qui insulte Abu Bakr et Umar et Aisha رضي الله عنهم جميعا, est-ce qu'il a un problème, il a eu un problème avec eux niveau argent ou quelque chose? C'est une autre génération. C'est quoi qui le pousse à insulter? Il a bourdé l'islam. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? C'est une autre génération. Pourquoi on déteste Al-Kafar? Pourquoi on déteste Al-Rawafid? Pourquoi on déteste Al-Munafiqin? Lillahi Azza wa Jal. Pas parce qu'ils nous ont pris de l'argent ou ils nous ont fait du mal. On les déteste awalan parce que c'est des kafaras, Munafiqoun. أعداء لرسول الله ولأصحاب رسول الله. C'est pour ça qu'on les déteste. Il faut faire attention à certaines idées qui sont propagées. مثلا بعضهم يدتست اليهود. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la Palestine, ou parce qu'ils occupent la Palestine, ou parce qu'ils ne veulent pas sortir de la Palestine. C'est pas ça notre aqida. Demain مثلا ils disent on vous rend la Palestine et ils font plus de mal, on les déteste quand même. فالله عز وجل لأنهم c'est des kafras. Et là chaque qu'on les déteste encore plus à cause de l'injustice qu'ils font. Mais la base, c'est important. Aqidatu al-mu'min annahum ilam fillah et détestent fillah. On aime les sahaba, pourquoi? Parce que c'est des mu'min. Mu'minoun, salihoun. Et nasaru al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont fait des efforts pour nous faire parvenir à hadha ad-din. C'est pour ça qu'on les aime. Et on déteste celui qui les déteste, pourquoi? Parce que yat'an fi dinillahi azza wa jalla. قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. المد c'est les deux mains jointes. الصاع c'est quatre أمداد. فلا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit d'insulter ses compagnons. لا تسبوا أصحابي. فالحذر من هذا. الإنسان quand il parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pèse ses mots. ولا يذكرهم إلا بالجميل. Et il fait attention à certaines histoires ضعيفة, ce qui s'est passé entre eux. أنهم ils citent certaines choses sans peser ses mots. السني s'écarte de ces choses. يذكرهم بالجميل. Les sahaba ils s'aimaient entre eux. Et ils sont tous morts. ولله الحمد على خير. Et on a cette aqida. L'insan yahdar, il y en a بعض الناس, il cite certaines choses et il glisse. Un sahabi, c'est un sahabi. Al-hadr. Qala, on répète, la tasubu ashabi. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'insulter les sahaba. Fa walladhi nafsi biyadih. Il jure, alayhi salatu wasalam. Et il va démontrer un mérite que les sahaba, ils ont. Tous ceux qui viendront après eux, ils ne l'auront pas. Donc, on ne doit que les aimer. C'est nos modèles. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب. Si l'un d'entre vous, si l'un d'entre vous, il fait une sadaqa, مثل أحد. أحد c'est une montagne. أحد en or. Une montagne en or, ça, c'est pas équivalent à قال ما أدرك مد أحدهم. المد c'est les deux mains jointes. هؤلاء, ils ont devancé tous ceux qui sont venus après eux, fil khayr. Allah, il les a choisis. Ils ont été dans les moments difficiles au départ. Et les efforts qu'ils ont faits, ceux qui viendront après, ils ne le feront plus. Allah, subhanahu wa ta'ala, yu'iz man yasha, wa yufaddil man yasha, ala man sha, azza wa jal. Qala, wa qala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, wa nuhib, أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. شيخ محمد الشارح إلى cité قول شيخ الإسلام في الواسطية إلى cité كذلك الآن قول الإمام الطحاوي في الطحاوية. Ces deux références عند أهل السنة, ces deux livres, c'est des livres très simples, résumés. Et celui qui veut connaître عقيدة المؤمن, عقيدة المسلم, عقيدة السلف, il commence par ces deux livres, الواسطية et الطحاوية. Et il peut commencer par d'autres bien sûr, لكن ces deux livres c'est des références. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرى من أحد منهم. On aime les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم sans exagérer. Cet amour, il ne doit pas nous pousser, comme ils font certains ignorants, à les adorer, à leur demander, alors qu'ils sont morts. Là, tout ça, c'est min haqqillahi azza wa jalla alayna, al-ibad. On n'a pas le droit, cet amour, on dépasse les limites et on exagère. Là, on les aime, fillahi azza wa jalla. Et on a cette conviction, annahum, c'est des êtres humains, annahum, ils ont secouru le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont pris هذا العلم directement du prophète صلى الله عليه وسلم ونحبهم في الله عز وجل ولا نتبرى من احد منهم كذلك البراءة من الكفار من اهل الضلال. Ils se désavouer, détester, s'écarter, c'est ça le براءة. Ça c'est من اهل الضلال, اهل الكفر, اهل النفاق. اما pourquoi se désavouer et détester هؤلاء, celui qui les déteste, il déteste l'islam, شاء ام ابى. فالروافض الآن tu les trouves دائما, ils citent الصحابة, ils les insultent, que ce soit عائشة, que ce soit أبو بكر, que ce soit عمر et d'autres, et tu les trouves مع الأعداء, مع اليهود, مع النصارى, tu les trouves, ils ont de la douceur et autres. Pourquoi? لأنهم c'est des منافقون. منافق هكذا يطعن في أهل الخير, et toujours il a de la douceur, et les ennemis de l'islam, ils n'ont rien à craindre de lui. هكذا النفاق يفعل بصاحبه صلى الله عليه وسلم. قال ونبغض من يبغضهم. Ça fait partie de notre عقيدة كذلك. نبغض الروافض, نبغض النواصب, tous ceux-là qui attaquent, qui insultent les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, نبغضهم في الله. Et في هذا الحال, on n'a pas le droit de parler de حرية, de liberté d'expression, ou il fait ce qu'il veut, tu dois le détester في الله, c'est un مؤمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. Un mu'min, il ne peut pas aimer quelqu'un qui fait du mal au din. Pourquoi ils insultent les compagnons? Les compagnons, c'est le lien entre le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont venus après lui. C'est eux qui ont propagé. Ceux qui veulent insulter, rabaisser, faire du mal à ce din, d'aïman, ils attaquent, ils insultent ceux qui propagent هذا الدين. هذا on doit le savoir. إما الصحابة, comme ils ont fait الروافض, إما أتباع الصحابة. إما الصحابة, on a dit comme ils ont fait les روافض, ils insultent les صحابة. إما ceux qui ont suivi les صحابة, كما يفعل بعض أهل الضلال, يطعنون, ils insultent, ils critiquent أهل العلم. لأن أهل العلم, c'est eux qui sont venus après الصحابة, et ils propagent العلم, الرسول, et la compréhension du sahaba. فَيَطْعَنُونَ فِيهِمْ. Donc ceux qui veulent attaquer une chose, ils attaquent celui qui transmet cette chose. C'est pour ça qu'on les appelle munafiq. On ne va pas insulter directement l'islam. Là, لكن il va insulter ceux qui propagent. فَانْتَبِهْ وَحْذَرْ. قَالَ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ. Donc celui qui les déteste et celui qui les cite en mal. كذلك. On le déteste في الله عز وجل. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرِ. C'est ça notre position. On les cite إِلَّا بِخَيْرِ. قَالَ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ. Les aimer, ça fait partie de notre dîn. Ça fait partie de l'iman, ça fait partie de l'ihsan. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. Les détester, c'est du kufr, de la mécréance, c'est du nifaq. Celui qui fait apparaître que c'est un muslim, كما هو حال الشيعة الروافض, et يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفاق. Il fait apparaître une chose et fait la haqiqa. Ce qui renferme, c'est l'inverse. وإلا pourquoi il détesterait les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. قال انظر شرح الطحاوية وتحقيق الإمام الألباني رحمه الله. Et ces deux rasa'il, on le répète, c'est des références. Al-Wasitiyya, les Cheikh al-Islam, et Al-Tahawiyya, l'imam Al-Tahawi, rahimahullah. قال وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليهما هو الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة وهو الذي عليه إجماع أهل السنة. L'unanimité des savants de la Sunna, ils sont à l'hala. Et c'est ça aqidatu al-mu'min par rapport aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hubbun wa ijlalun, respect. Ils les aiment. كذلك يبغض من يبغضهم. Ils détestent ceux qui les détestent. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalik, ceux qui les ont suivis. Ça nous montre anna ha'oula, c'est nos modèles. Après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Limada li annahum, c'est eux qui ont vécu la révélation. C'est eux qui ont compris. C'est eux qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux comprendre ton dîn, t'es obligé de passer par eux. Amma ba'd al-juhal an, ils prétendent comprendre la religion avec le Coran et sunnah. Et certains, ils ont même pensé qu'il n'y avait pas besoin de la sunnah. Qur'aniyoun, haoulas de kafara. Lakin, ba'duhum, ils prennent les textes Qur'an et sunnah sans revenir à haoula. Alors que Allah Azza wa Jal les a cités. Thumma, il comprend les textes de sa façon. Il s'égare. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الاتباع. On suit haoula dans leur compréhension. Comment ils ont compris ce texte? Comment ils l'ont mis en application? C'est ça l'ilm. Que ce soit fil aqida ou fil al-ibadat ou al-mu'amalat. On revient à haoula. Et c'est ça al-manhaj al-salafi. C'est rien d'autre. Ba'dhum, quand ils entendent al-salafi ou al-manhaj al-salafi, ka'annahum, ils ont entendu quelque chose qui ne fait pas partie de l'islam. C'est ça al-salafi, c'est de suivre haoula. Al-salaf al-salih, les compagnons et ceux qui sont venus après eux. Kama fil Qur'an al-Karim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء الله سبحانه وتعالى قال فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. Pourquoi les détester, iyadan billah? Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait d'eux et eux sont satisfaits d'Allah Azza wa Jalla. Allah, il les aime et eux, ils aiment Allah Azza wa Jalla. En tant que mu'min, on ne peut que les aimer. Celui qui les déteste, il déteste un groupe de personnes que Allah il aime. Et ça, c'est très très grave. Ça montre un nifaq. قال وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ثم الله سبحانه وتعالى il a cité أنه il leur a préparé une récompense أي الجنة. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Qui sait qu'a fait le bay'a et qu'a prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre comme dans sourate al-Fath. C'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est avec lui à ce moment et à cet endroit. Allah subhanahu wa ta'ala قال لقد رضي الله عن المؤمنين. C'était qui les croyants à cette époque? C'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالله سبحانه وتعالى رضي عنهم. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. كذلك ce verset montre أن الصحابة رضي الله عنهم ils ne sont pas tous au même niveau. Certains ils sont meilleurs que d'autres. Ils sont tous à la khair وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. Comme les prophètes. Le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم c'est le meilleur des prophètes. ثم إبراهيم ثم موسى. Et bien sûr on aime tous les prophètes. لكن Allah سبحانه وتعالى il a élevé certains sur les autres ou sur d'autres. Et ça va venir. Il va citer anna ba'd as-sahaba afdal min ba'd. Walakin wa li kullihim qadrun 'ala wa fada'ilu lakin as-siddiq minhum afdalu. On verra cette mas'ala dans le prochain vers inshallah. Wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khayrun nas qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق عليه عن عمران بن حسين وعن ابن مسعود رضي الله عنهما. خير الناس قرني. النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أن les meilleures personnes c'est ceux qui vivaient à son époque. Et ceux qui étaient avec le prophète صلى الله عليه وسلم c'est الصحابه. الحديث كما قال il est في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. وتقدم حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه في الصحيحين لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. نعم il atteindra pas le mud et les deux mains jointes de sahabi et la moitié كذلك il pourra pas. Ça montre أن هؤلاء الله سبحانه وتعالى فضله. وقوله أي قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومودة القربة بها أتوسل مراده بالقربة أهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومراده رحمه الله بقوله أتوسل أي أتوسل بمودتهم. دونك كذلك نتعقيدة أن أنم أهل البيت أنم أهل البيت ومراده بالقربة القربة هنا أهل البيت. قال قول بقولها توسل أي أتوسل بمودتهم لأن مودته من الأعمال الصالحة والتوسل بالأعمال الصالحة من التوسل المشروع. ومعنى الوسيلة في اللغة القربة والواسطة والتوصل إلى شيء برغبة. نعم التوسل c'est demander à Allah عز وجل avec une chose. هذه هي الوسيلة cet intermédiaire. Il peut être mashrou' et il peut être ghayr mashrou'. Et tout ça, on l'a détaillé, walillahi alhamd, dans les livres de Tawhid. Mais le tawassul al-mashrou', tu peux demander à Allah Azza wa Jal, et on va lire l'adilla qu'il a cité, mais on fait un bref résumé. Tu peux demander à Allah Azza wa Jal avec tes a'mal. C'est pour ça que Cheikh l'Islam, huna, qala wa mawaddatul qurba biha at-tawassul. At-tawassul, comme a dit, huna, on répète son ta'rif. قال ومعنى الوسيلة في اللغة القربة والواسطة أن intermédiaire c'est ça الوسيلة والتوصل إلى شيء برغبة أي pour arriver à une chose tu prends un intermédiaire. فهذا ça peut être مشروع ça peut être حرام ça peut être du شرك. فمن التوسل المشروع c'est de demander à Allah عز وجل avec tes أعمال. شيخ الإسلام يتوسل أي demande à Allah عز وجل avec son amour qu'il a envers Ahl al-Bayt. Hada, c'est mashrou. Anta, mathalan, t'as fait un amal, et tu penses que t'as été sincère, bi-idhnillahi azza wa jal, fi hada al-amal, et tu demandes à Allah azza wa jal, qui te donne telle chose, et t'atawassal, tu cites cette chose, ya Rab, j'ai fait telle chose, tel jour, et je l'ai fait que pour toi, je te demande que tu me donnes telle chose. Tawassul mashrou. Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, il يقول انه يتوسل بمحبه اهل البيت. قال il cite des références et parmi ces références التوسل انواعه واحكامه للشيخ الالباني رحمه الله كتاب نافع. التوسل انواعه واحكامه الشيخ الالباني رحمه الله il explique التوسل المشروع والممنوع. Et on a cité نحن المشروع من الممنوع par exemple il est grave c'est du shirk c'est de demander à un mort pour que ce mort il demande à Allah كما يفعل المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا هكذا يديزل المشركون كما قال الله عز وجل في القرآن هاي on les adore pour qu'ils nous rapprochent d'Allah ils les ont pris comme intermédiaire. هذا c'est haram. Pourquoi? لأن cette demande qui fait au mort c'est une عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Donc cette demande qui fait au mort il a adoré autre qu'Allah c'est du shirk. Amma, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala avec tes œuvres, ce n'est pas du shirk. Là, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Albani a détaillé hada dans cette risala. Wallahi alhamd, on a cité plusieurs points dans le kitab al-tawhid par rapport au tawassul. Kadhalik, Cheikh Al-Islam a une risala nafi'a fi tawassul. Kadhalik, Cheikh Abdussalam ibn Barjis, rahmatullah alayhi, a une risala. Et al-ulama, qadiman wa hadithan, il détaille ce sujet à tawassul. Tawassul, c'est prendre un intermédiaire. قال ومما يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحة مشروع قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ou demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec tes a'mal. هذا لا شك سبيرني. وكذلك قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقوله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Tout ça, c'est des demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a des a'mal qui sont cités. Alladhina yaquluna rabbana innana amanna. Ils ont cité l'iman. Ya Allah, on croit en toi, faghfir lana. Thumma ils demandent. Enfin, avant la demande, ils ont cité a'mal. Kadhalik, le deuxième verset, rabbana amanna bima anzalta. Imanun, ils citent ce iman, thumma ils demandent. Enfin, Cheikh al-Islam yaqul anna. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala et cite son amour envers la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال وكذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال قد سأل الله فقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الشاهد أن ستم توسل بهذا اللهم إني أسألك بأني يدمد الله سبحانه وتعالى يسيت كما انترميديير هذا العمل بأني أشهد أي son témoignage بالوحدانية أي التوحيد ثم يدمد. فهذا مهم quand tu demandes à Allah سبحانه وتعالى tu cites des noms et des attributs. كذلك تتوسل بأعمالك أن ton إيمان التوحيد les efforts que tu veux ثم تسأل الله سبحانه وتعالى. كذلك أن الدليل كي clear قال ويدل عليه أيضا قصة أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة فتوسل أحدهم بطاعة والديه والآخر بعفته والثالث بأمانته. Cette قصة معروفة الحديث الصحيح أن 3 personnes ils sont entrés dans une grotte. Et cette grotte, la sortie, elle a été bouchée par un rocher. Ils étaient bloqués. Thumma, chacun d'eux, ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur ouvre ou que ce rocher se déplace pour qu'ils puissent sortir, chacun d'eux avec leur a'mal. Wahad minhum, l'obéissance de ses parents, etc. Ya Allah, j'ai obéi à mes parents parce que tu me l'as ordonné, etc. Ya Rab, facilite-moi telle chose. Tawassul, tawassul bil a'mal. Qala, ففرج الله عنهم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجاء عند أحمد من حديث أنس والنعمان بن بشير رضي الله عنهم وكلاهما في الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر وكذلك لمم حديث عن أنس وكذلك عن النعمان عند الإمام أحمد في المسند لدو حديث كي سنبع دان الصحيح qui sont pas dans Sahihain, Kadali, qui sont authentiques, qui sont Sahih, Cheikh Mokbel, il les a cités dans As-Sahih Al-Musnad. Mas'alatu at-tawassul li muhimma, de la comprendre. Lianna kathiran minan nas, ils sont tombés fi shirk. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris cette mas'ala. Il adore autre qu'Allah et il te dit là, Anna, je le prends comme intermédiaire. C'est nous aussi, la faqat. Anna, je sais que c'est Allah qui a créé, je sais qu'il faut adorer Allah. Lakin, cet homme pieux, c'est un intermédiaire. Al-Hadr. Ça, c'était Shubhatu al-Mushrikin fi al-Zaman al-Awwal. Et c'est la même Shubha aujourd'hui. Al-Insan, Talib al-Ilm, il fait des efforts pour comprendre hadi al-Umur. C'est quoi la différence entre Tawassul al-Mashru al-Mamnu', tout ça fondé sur des Adillah. Et Inch'Allah, quand il explique aux gens, il doit expliquer aux gens hada. Kathir min al-Awwam, ils ne connaissent pas hada, ils mélangent. Ils pensent que c'est permis alors que c'est du shirk. On doit appuyer sur ce point. Et parmi les livres, on a cité At-Tawassul de Cheikh Al-Albani, Kadhalik de Cheikh l'Islam de Taymiyyah. Wa min ahsan al-kutub, kitab Kashf al-Shubuhat, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il répond à toutes ces choubahs par rapport au Tawassul. Rahmatullah alayhi. Qala fa'idatun wa min at-Tawassul al-Mashru' at-Tawassul bi asma'illah wa sifatihi. Kadhalik. Donc, on a vu, nous, « At-tawassul bil-a'mal al-salihah » avec tes propres œuvres, tes œuvres pieuses que tu as faites. Cheikh al-Islam, par exemple, « Tawassul » avec son amour qu'il a pour la famille du prophète. Ça, c'est une catégorie. « Kadhalik » parmi le « Tawassul » qui est permis, « Mashru' »« At-tawassul bi-asma'illahi wa sifatih » Ça, c'est un « Tawassul » adhim. Tu demandes, avant de demander, tu cites des noms et des attributs d'Allah. Ya Arhamur Rahimin, Ya Dal Jalali wal Ikram, Ya Rabb, Ya Aziz, Ya Jabbar, et tu demandes. Et كذلك, tu cites des noms et des attributs qui sont en rapport avec ta mas'ala. Matalan, si tu veux demander Ar-Rahman, tu demandes avec des noms qui sont appropriés. طيب, matalan, Ya Arhamur Rahimin, Irhamni. هذا c'est un dua jamil. قال وكذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح أي كي vivant هذا يجوز كذلك والدليل أن عمر رضي الله عنه après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم المدينة ils ont été touchés par la sécheresse et عمر il a demandé à l'Abbas l'oncle du prophète صلى الله عليه وسلم de faire الدعاء donc s'il est vivant نعم أما demander à un mort فهذا هو عين الشرك. Pourquoi? Parce que ce mort, il ne peut rien donner. Amma vivant, na'am. Tu demandes à Rajul Salih qu'il fasse ad-du'a. Sans dépasser les limites. Kadhalik fi hadha al-bab. Pas tout le temps, là. Al-asl, c'est que tu fasses ad-du'a toi-même. Lakin, de temps en temps, demander à des personnes pieuses qu'ils fassent ad-du'a, fala abas. Kama fa'ala Umar, ma'a al-Abbas. Qal wa amma at-tawassul al-mamnu' fa-at-tawassul bi-jahi al-salihin wa dawatihim. Na'am. Il y a un tafsir, ça peut être du shirk, ça peut être une bid'a, tout ça, c'est détaillé dans les livres de Tawhid. قال انظر التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني رحمه الله. نعم. C'est des références dans ce sujet التوسل, أي les intermédiaires. الخلاصة, on résume, on tire de ce vers de poésie حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل أن من عقيدة المسلم أنه يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم المؤمن le croyant il aime tous les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم كذلك il aime la famille du prophète صلى الله عليه وسلم المؤمنين il les aime في الله لماذا لأنهم c'est des croyants كذلك c'est la famille du prophète صلى الله عليه وسلم. Enfin, en plus d'être des croyants, ils ont cette maziyya, hadhihi al-fadil. Et encore plus si c'est des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ka'ali, Safi Fatima al-Hassan wal-Hussein, Ja'far al-Abbas, Hamza, tout cela, c'est des croyants, ils sont morts à l'iman, walillahi al-hamd, et kadhalik, ils faisaient partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin, on les aime, fillahi azza wa jal. Et on déteste ceux qui détestent أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كي دتست أهل البيت أقول له دتست في الله عز وجل لماذا؟ لأنه انحرف في عقيدته أما est-ce que c'est un kafir أم لا؟ أي التفصيل في هذه المسألة أي détailler le sujet de ceux qui insultent les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم et inshallah on verra ça dans le prochain dars il a cité cette مسألة en détail نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد نكتفي بهذا ولله الحمد.